Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un DVD Disney. Alors que Clochette se promène avec Vidia, elles aperçoivent dans un jardin une ravissante maison de fées. Désireuse de la visiter, Clochette s'en approche dangereusement, malgré les conseils de prudence de Vidia. Ce que la jeune intrépide ignore, c'est que la maison appartient à une petite fille de 8 ans du nom de Lizzie. Et lorsque cette dernière approche, il est trop tard pour faire demi-tour. Et c'est parti! Imaginez que vous puissiez entendre une fée. Voir une fée. Et même capturer une fée. Une vraie fée! J'ai attrapé une vraie fée! Je veux tout savoir sur les vraies fées. Alors, c'est quoi ta couleur préférée? C'est comme moi! C'est ma couleur préférée aussi! Oui! Quand deux mondes se rencontrent... Tu es la plus fantastique découverte de tous les temps! Tous les musées du monde en voudront une comme toi! Quand t'étais petite, t'étais un drôle de bébé? Clochette, l'expédition féerique. En exclusivité Disney Blu-ray et DVD. Clochette et l'expédition féerique avec la voix de Laurie, un DVD Disney.